qu'est-ce qu'il te plaît, toi le verre à moitié plein pour que la vie te le rende. Peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vas, éclaire ton chemin grâce au love et au smile. Peu importe qui tu es, peu importe qui tu seras, si tu les gardes à tes côtés, tu te relèveras de tous tes combats, de toutes tes erreurs. Si tu les laisses envahir ton cœur, tu affronteras tes doutes et tes peurs, et la vie repoussera les perturbateurs. Love and smile au fond de toi, cultive ces valeurs, ainsi tu grandiras et obtiendras le meilleur de chaque combat, de chaque bataille. Tu sortiras vainqueur et aucune sombre vibe ne changera tes couleurs. À chaque claque que je prends, à chaque main qu'on me tend, pour le cœur ou pour la raison, dans la sueur et le sang, dans la lueur et le temps, se dérobe à l'horizon pour oublier la douleur, retrouver la chaleur. Contre le pire et pour le meilleur, quels que soient tes malheurs, souviens-toi de ces valeurs. Blame game. That's Tous et bienvenue sur la radio Gamezo, sur le groupe Emeson. Je suis Nicolas. Je suis Bérangère. Doreen. Yann. Et Benoît. Merci d'écouter votre émission préférée. Sans plus attendre, nous allons écouter le premier morceau musical. je vis simplement. Le soir à Villeneuve, les grands frères et les gosses, les terrains de foot et la boxe. Qui a eu tort, la raison du plus fort, pour un regard en croix, je suis mort. Toi mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans moi. Dis-moi pourquoi j'étais là. Retour à l'antenne. Retour à l'antenne après, après Calogero. Bah si, tout le monde a reconnu quand même. Oui. Non. Oui. Moi, je l'ai pas reconnu. C'est vrai? Oui. C'est Si Yann a trouvé rapidement après le lancement de du morceau. Oui. Moi aussi. Dis donc, les paroles, c'était quand même. Qu'est-ce que vous avez compris des paroles? Un jour au mauvais endroit. Ah, ok, effectivement. Pourquoi? Parce que vous savez à peu près. Qu'est-ce qui est dit dans la chanson? Il dit plus jamais ça. Ouais, plus jamais ça. C'est tout ce que j'ai compris. Et un jour au mauvais endroit. Et un jour au mauvais endroit. Ouais, tout à fait. Moi, c'est pareil. Prends le micro, Nicolas. Moi aussi, j'ai retenu que ça, moi. Bah, c'est déjà bien. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui dit dans cette chanson? En fait, il raconte une histoire. Oui. Il parle de violence, il parle d'ado brisé, il parle de guerre de quartier. Ouais, peut-être qu'il avait une enfance pas folle. Enfin, genre, il n'était pas à sa place, quoi. Ouais, donc toi, tu voyais ça par rapport à l'enfance? Avec les indications de Bérangère, oui. Ouais, avec les indications de Bérangère. Oups. Okay, alors... Ça attaque déjà. Non, ça attaque pas. Mais en tout cas, non, c'est intéressant ce que tu dis aussi. Mmh. Alors, l'histoire de plus jamais ça, en fait, c'est Échirolles. C'est une ville, un quartier où est né Calogero. Et en fait, en 2012, il y a Sofiane et Kevin, deux jeunes de 20 ans qui ont été donc Sofiane, en tout cas, a été assassiné. Son copain, je sais plus, mais lui, il a été assassiné pour une histoire complètement bidon. Donc il a pris il s'est fait assassiner alors qu'il avait rien fait. C'est pour ça, un jour au mauvais endroit. C'est-à-dire que là, il rentrait dans ce que dit Calogero. Il était en train de se promener dans le quartier et il s'est pris pour un. Et par moment, il dit pour un regard en croix. Vous savez ce que c'est, un regard en croix? C'est un. Un regard de travers. C'est ça, ouais, tout à fait. Un regard de travers. Et ben voilà, ça a suffi pour que l'agresseur pète les plombs et puis le tue, quoi. Donc il est mort à 20 ans, alors que, comme disait Calogero, il ira plus au cinéma. Enfin, sa vie s'est arrêtée là. Par un moment, c'était ça que je voulais que vous entendiez. C'est ma vie s'est arrêtée là. Mmh. Donc lui, dans la chanson, il se met à la place de Sofiane. Il joue le rôle du jeune qui a été tué. Et donc en fait, voilà, quand ils disent plus jamais ça, c'est par rapport à ça. Moi, que ça se reproduise pas, quoi. Moi, quand tu disais Sofiane, moi, je pensais que tu parlais du rappeur. Bah non. Ah oui. Non, c'est pas la même référence. Alors dès le début, en fait, c'est pour ça que je lui, il est encore vivant. Non. On écoute dès le début parce que c'est une histoire. Donc dès le début, il dit je m'appelle Sofiane. Enfin bref. Et voilà, ça raconte l'histoire de ce jeune-là à 20 ans qui est mort pour rien. Absolument rien. Il avait rien à voir. Il n'était pas trafiquant. Il avait fait de mal à personne. Il était donc un jour au mauvais endroit, c'est ça. Ok. En tout cas, il en a fait une belle chanson, Calogero. Mais c'est vrai que c'est des paroles qui se couent, qui. On est un petit peu ébranlé quand on écoute attentivement les paroles. On continue. Bonne chanson de Saint-Valentin. Mais on n'a pas dit qui c'était qui. Bah, il en a parlé lui. In your retour à l'antenne après ce morceau musical. Un peu de rock. Anglais. Ah hey. C'est de l'anglais, effectivement. Le thème, c'est anglais. Et après, c'est bien. Après, c'est le thème, c'est anglais. Après, je pense, c'est du rap. Non, c'est pas du rap, c'est du... du rock. Du rock anglais. Après, ça va. C'est alors, mon thème préféré. Et voilà. C'est bien pour les gens. Pour moi, c'est pas mon thème. C'est pas mon critère. Tout ça, voilà. C'est pas ce que tu écoutes. Oui, voilà. D'accord. La même. La même. Non, tu peux pas dire la même. Faut que tu développes un peu, là. Allez. J'écoute pas de l'anglais. J'écoute pas du rock. Et le chanteur, je le connais pas. Bon, la chanson, je la connais pas. T'étais pas né. Oui, bon, t'étais pas né, ça c'est sûr. Pour mais eux, par c'est, contre, c'est en combien? Ah bah attends, on fera l'historique après. Mais que t'écoutes pas, d'accord. Mais alors, le rythme, la voix. Ouais, ça ambiançait, mais un petit peu, un peu. Nicolas. Alors, je m'ambiancerais pas dessus. Quoi. Moi, le rythme, ça faisait tout. Moi, ça fait le rythme. Le rythme, ça faisait un truc comme ça. D'accord. Et ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. C'est un morceau, moi j'ai trouvé qui apaise. En fait, même s'il y a du rythme, comme tu disais, avec la batterie et tout, c'est ouais, c'est apaisant, c'est l'impression de flotter. Je dirais pas flotter, mais ouais. Bon, super. Bah moi je flotte. On dirait plutôt. C'est pour moi, c'est un peu plus dans le niveau campagne. Niveau campagne. Oui. C'est-à-dire. Bah. Alors paysan. Oui. Ah voilà. Ça je sais pas. D'accord. Mmh. Ouais, je vois pas trop. Après chacun ses styles. Hein. Par contre, c'était intéressant ce que tu disais, Darine. Tu disais, ça faisait berceuse pour toi. Pour les enfants. Mais mets-toi à côté du micro. C'est une berceuse pour les petits enfants, voilà. Ça pourrait. Ouais. Ah, faudrait pas la mettre trop fort. Je vois pas donner ça. Mais, bah, moi, je me dis, oui, mettre ça à un enfant avant qu'il s'endorme. Je vois pas donner. Moi, je me vois pas donner ça à Léo. Compliqué de le faire dormir avec ça. D'accord. Tu le fais dormir avec quoi, Léo, toi? Bah, non, abuse pas. Non, bah, il dort. Voilà, sans musique. Je lui donne son dodo, sa couette. Le rythme dans ce que tu disais. Dans ce que tu disais, Darine, toi, le rythme, ça faisait penser à une berceuse. Et du coup, alors. Ouais, alors c'est. Peut-être quelqu'un pourrait nous en parler de. Ce sera pas moi. Si je la connais pas. C'est YouTube. Moi, je pense que c'est Drexon. Non, moi je pense que c'est. Moi je pense que c'est Bérangère. Parce qu'elle a réussi quand même à donner le nom du chanteur alors que. Non. Alors Nicolas, tu sais, c'est un peu de ma génération. Donc c'est le genre de musique que je peux écouter. Du coup, YouTube, c'est quand même très très connu quoi. Du coup, c'est 1980 à peu près. 1970. C'est toujours pire. Lui. Ouais. Ouais, on est sur un morceau de 87. Et U2, c'est le groupe, hein, c'est pas le chanteur. U2, c'est un groupe de chanteurs irlandais. Ah, U2. Donc, c'est du rock, hein, avec un chanteur mondialement connu, Bono. De par ses chansons et de par son engagement, voilà, sur des œuvres caritatives, on va dire. Humanitaire, ouais. Mmh. Et c'est une chanson, en fait, en français, le titre, c'est Avec ou sans toi. Et c'est les paroles, il les a écrites en référence à sa vie, on va dire, aussi personnelle, son engagement qu'il avait, sa vie d'artiste et l'implication que ça pouvait avoir sur sa vie personnelle. C'est, voilà. Et c'est un tube planétaire, parce qu'il a été longtemps premier sur les box-office américains et en Europe. Et bon, vous êtes un peu plus jeune, mais voilà, pour les anciens qui sont. Dans le studio à côté. C'est que c'était pas né quoi. Ils étaient pas nés. Il est sur YouTube le son. Ah oui, tu peux trouver. Combien de milliers, enfin combien de vues? Est-ce que c'est ça l'important? Oh, je sais pas combien de vues. Non, mais pour savoir. Bah, bon, je ne sais pas. Je sais pas, en tout cas c'est mondialement connu. Ouais. Et en fait, on aime pas. Toi, tu aimes les chansons s'il y a des millions de vues, c'est ça? Bah non, mais bon. D'accord. Je sais pas, mondialement connu, tu vas pas faire une musique mondialement connue avec 10 vues. C'est vrai, c'est pas faux, mais il a pas 10 vues, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, YouTube, il remplissait les stades, il remplissait les plus grandes salles de concert, c'est énorme. Alors moi, comme je l'avais dit une fois, je comprends pas toujours les paroles en anglais. Mais en fait, mon choix il se porte sur le fait que, avec la rythmique, moi je trouvais que c'était plutôt apaisant comme comme musique et plutôt un petit côté joyeux quand même avec l'instrumentalisation. Donc c'était pour ça que j'ai choisi U2 aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de trop voter. Alors déjà pour tout à l'heure, vous aviez, pour la première chanson, vous aviez deviné qui c'était? Oui. À la base, moi je pensais que c'était Bérangère parce qu'elle dansait. Moi j'hésitais entre Benoît et... D'accord. Et Bérangère. Il y a aucun moment où vous êtes dit c'est Darine ou Yann quoi. Non, ça c'est... Non. En fait Darine ça aurait pu mais... Oui, donc la première chanson c'était bien moi. Et là pour la deuxième du coup pour YouTube, pardon. Bérangère. Bérangère. En même temps, ça peut être le choix de Lia. Lia ou Chris ou. Ou Drex. Non, apparemment non. Ah, Chris aussi, il joue. Non, j'aime pas. D'accord. Ok. Il va nous sortir du cirque. Donc voilà, donc merci Bérangère. Ah, bon, moi, je la trouve toujours très agréable à entendre, en tout cas. Moi, je peux pas écouter musique anglaise, je comprends rien. Alors toi tu comprends pas les musiques anglaises. Alors j'attends de voir ton choix de chanson. Des fois en français on comprend pas non plus hein. Ouais c'est vrai mais sachant que l'anglais. Tu sais moi je comprends pas toujours. Mais je mets ça en voiture quand je fais la route. Et voilà t'as le paysage qui défile. Et c'est super agréable. Oui mais moi quand je suis en voiture logiquement des fois je chante. Je vais pas chanter de la musique anglaise. Déjà je parle pas anglais. Et puis logiquement tu conduis pas. Oui ça aussi. On roule au scooter. Bon, en tout cas, merci Bérangère. On poursuit. Vous avez tué le respect, génération capricieuse. Vous avez vendu nos valeurs, mais nos valeurs sont précieuses. Vous ne respectez même pas vos mères, vous voulez tout et tout de suite. Face à vos mentalités, le respect a pris la fuite. Avec vous c'est toujours pareil, nous critiquer c'est facile. Mais on a le même bracelet, pas loin du talon d'Achille. On a suivi vos parcours, donc on passe par la prison. Midi minuit en bas de la tour, c'est devenu nos dictons. Faudra nuancer ton discours, car nos erreurs sont différentes. Nous on volait par nécessité, comprends-tu la différence? Et on n'a jamais été fiers d'avoir vendu des stupéfiants. Tu roules un bédo devant ta mère, génération stupéfiante. Jouer les moralisateurs, on en est là à cause de vous. Vous avez craché sur l'Europe, donc comment se sentir chez nous? Peu d'entre vous sont diplômés, c'est l'excuse de la pauvreté. Vous êtes des imposteurs, déguisés en gros de la cité. Je crois que t'as pas très bien compris ce que j'essaye de t'expliquer. Oui, on a commis des erreurs, mais on ne s'en est jamais vanté. Pour vous, l'homme fort est un homme riche, passé par la prison, prêt à tout pour réussir. Quitte à en perdre la raison. On n'a pas perdu la raison, fais les choses à notre façon. Vous vivras son époque. Moi je comprends pas tes réflexions. Vos discours et tes victimaires nous ont fait bouger les choses. Que tu l'admettes ou pas, nous on a changé les choses. Effectivement, vous avez changé nos codes. En vous je ne me reconnais pas. Vous êtes champion de la discorde. Génération TikTok, génération Snapchat, génération Insta. Mais génération instable. Génération instable, mais vous brûliez des voitures. Et puis après, sans aucune gêne, vous nous parlez de droiture. Chaque époque a ses vices, chaque époque a ses problèmes. Mais à travers nos deux époques, nos galères sont les mêmes. Nos galères ne sont pas les mêmes. On s'est battu face au racisme. Si aujourd'hui on vous respecte, c'est grâce à nos petites victimes. Vous êtes victimes de vos choix, victimes de la société. Ce que nous avons construit, vous l'avez détruit, tu le sais. Vous avez commencé le travail, mais c'est nous qui l'avons fini. Notre génération est de taille, ouais l'ancien. On a grandi, on roule dans des grosses caisses. Vous êtes des produits finis, on ramène de l'oseille. Et la daronne est à l'abri. La daronne est à l'abri, avec l'argent de la bibi. En gros c'est bien ce que je disais, vous n'avez rien compris. Vous faites exactement ce que l'État vous demande de faire. À trop jouer avec le feu, vous peuplez les cimetières. Discours de complotiste est toujours aussi parano. Génération arriérée, génération de marginaux. Nous on a essayé de voir un peu plus loin que la cité. Et quand on est tombé, on s'est toujours relevé. Mais tout ce que vous faites, on l'a fait. Sauf que pour nous c'était plus dur. Nos bicravers sont diplômés, mais la réussite était plus sûre. Encore une fois, on s'est battu pour que vous puissiez travailler. À l'époque, avec un diplôme, ça n'était pas gagné. Ça l'est toujours pas aujourd'hui, j'ai envoyé un tas de CV. Mais en voyant mon nom de famille, ces chaînes m'ont jamais rappelé. Après, j'avoue, je suis pas qualifié pour ces putains de sociétés. Mais ma sœur est diplômée, alors pourquoi ils l'ont refusé? Parce que le racisme existe encore dans certaines sociétés. Mais elle finira par trouver, car ta sœur est diplômée. Et c'est aussi ce que tu dois faire, tu dois finir tes études. L'argent sale est un poison, donc reprends tes études. Désolé l'ancien, j'ai d'autres chats à fouetter. Je crois que je suis dans l'impasse, un peu comme Benet. Donc ça fait C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi à quoi ça sert de faire des études. De toute façon à Bruxelles on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. On a vécu les mêmes problèmes, mais nos époques sont différentes. La sacoche remplie de mes chèques, tu fais pleurer tes parents. Posé depuis tout petit en bas de la tour, j'fais comme les anciens. Péta, scouta, les petits qui courent, c'est toujours le même refrain. On a vécu les mêmes problèmes, mais nos époques sont différentes. La sacoche remplie de mes chèques, tu fais pleurer tes parents. Posé depuis tout petit en bas de la tour, j'fais comme les anciens. Péta, scouta, les petits qui courent, c'est toujours le même refrain. Oh, oh, oh, c'est toujours le même refrain. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Retour à l'antenne. C'était magnifique. Alors moi, je suis pas du tout rap, hein, on en a déjà parlé. Mais alors là... ils ont tellement parlé, enfin, c'était de la, voilà, c'était du parler, de la chanson parler. On a bien compris les paroles et c'était, moi je connaissais pas. C'est un duo. Qui veut en prendre la parole là? Ah, c'était une dinguerie. Ah, j'ai kiffé. Vas-y, ouais. Ah, j'ai juste aimé la musique, mais c'est pas, j'écouterai pas tous les jours non plus. T'as compris les paroles? En mode, j'ai oublié. Il de quoi disait, ça parle genre, en fait, il disait ouais, dans son quartier ça allait pas, il y a des trucs qui allaient pas et qui veulent changer, je crois, un truc comme ça. Nicolas, ouais. T'as compris quoi dans la chanson? Au départ que c'était une sorte de dispute d'époque, et ensuite bah que c'est devenu amical, ou c'est que il y en a un qui essaye de raisonner l'autre. Mmh. En tout cas, ils sont dans l'échange. Oui. Au début, moi, j'avais pas compris qu'il y avait deux personnages. Et effectivement, après, voilà, c'était un échange. Donc, il y a un ancien, il y a un plus jeune. Ça, vous l'aviez compris? Ouais. À quel moment vous l'avez compris dans la chanson? Depuis le début. Vas-y, Darina, moi, je te dis, attends, bouge pas le micro, tourne la tête. Depuis le début, voilà. Depuis le début, t'avais compris qu'il y avait un ancien et un qui parlait à l'époque, et d'accord. C'est deux mecs de la cité de Bruxelles. C'est deux messieurs de la Bruxelles. Ouais. C'est dans, voilà. Le jeune, il fait du rap, et le monsieur aussi, c'est UTFA, il fait du rap comme ça, il chante doucement, il rappe doucement. Mmh. Il fait doucement, il a fait un rap pour la Saint-Valentin hier. Aussi, il a fait 4 raps, il a fait 5 raps en une année, c'est bien. Il a été élu 10e en France, meilleur rappeur. Après, voilà. C'est du choc génération, c'est entre les deux générations, les jeunes plus les vieux. Exactement. Voilà. Après, avant, il n'avait pas Instagram, TikTok, tout ça. Maintenant, c'est ça, maintenant. Avant, il n'avait plus la même chose. On volait, comme toujours, on vole. C'est dans la musique qu'il dit ça, c'est vrai, des fois. Après, un tas de choses encore, même chose. Et les jeunes et tous les vieux, ils sont toujours en bas le bloc, toujours, voilà. En bas de leur immeuble? Oui. D'accord. En bas les immeubles, on attend, voilà. Et voilà, j'aime bien. Eh bien, écoute, je te rejoins. En plus, comme il parlait vraiment doucement, on pouvait vraiment bien comprendre les paroles, on pouvait vraiment comprendre l'échange qu'ils avaient, et notamment quand ils parlent de génération instable, hein, avec TikTok, WhatsApp, c'est vrai, tous les jeunes sont sur leurs réseaux sociaux, là, et les anciens, du coup, les comprennent moins bien, difficilement, mais en même temps, eux, à leur époque, ils avaient autre chose. Contre la police, contre un tas de trucs, dans la musique, ils l'ont dit. C'est dans la police où ils faisaient des conneries, les vieux, toujours, comme toujours, tous les jeunes, ils font encore des conneries comme nous, voilà. On a des bêtises. On fait des bêtises, on fait... Voilà. En fait, ils comparent leur époque. Oui. Et c'est la même chose à la fin. Ils ont l'air de dire comme à la fin que ça n'a pas trop avancé en fait. Non, pas avancé. Parce que quand ils parlent de diplôme, d'études, ils ont l'air de dire que ben ils n'ont pas plus de travail aujourd'hui quoi. Oui. Alors moi j'ai trouvé limite que c'était du slam en fait, du coup, dans les dans le flow des paroles, tellement c'était c'était parler plus que chanter. Moi je trouvais ça intéressant ce que tu disais Yann, quand tu disais ce que j'ai aimé c'est le c'est que t'avais bien kiffé le rythme de la musique, c'est ce que t'as dit. Alors que là la musique on est sur un fond piano qui s'accorde bien avec le rap hein, mais oui mais j'ai dit aussi je l'écouterai pas tout le temps ouais mais dans tous les cas ça t'a quand même plu toi qui es plutôt dans des d'autres sons genre je la mettrai pas dans ma playlist d'accord ouais mais tu quand même, t'as quand même dit ça tout à l'heure enfin, c'est, je trouvais ça intéressant c'est bien après et des fois il fait des rap comme ça il articule c'est quoi le nom Darin s'il te plaît le monsieur ouais. Edifa Edifa voilà. Au pire, tu lui montreras. C'est un artiste voilà. Belge ? Oui, d'accord. À Bruxelles. Il est né à Bruxelles, tout ça. Ah, c'est comme Angèle, quoi. Non, non, ouais, ouais. Et le morceau, il date de quand ? 6 mois. Ça. 6 mois. D'accord. Est-ce que c'est. La personne, c'est NDFA ou c'est les deux, le groupe non. ensemble ? Non, lui, NDFA, il fait que du tout seul. C'est la première ouais. fois, il fait avec un duo, un jeune. Et c'est qui l'autre jeune, du coup, l'autre personne, tu sais ? Non, plus encore. C'est pas grave, regarde. C'est un jeune de 15 ans, voilà. Il est né à Bruxelles. Et moi, je l'ai trouvé vraiment... Je rejoins complètement Bérangère quand tu as dit ça. C'était, moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Oui. Et les paroles... Moi, ça me donne vraiment envie de réécouter. Et les paroles sont bien choisies. Je trouve que le message est passé. Le rythme aussi. T'as de musique, aime bien, comme le cancer, il parle du cancer. Il y a une musique, quelques années, un an, il parle du cancer, il parle à ta truc. Chaque musique, il fait un autre rapport. Femme battue, femme à ta truc, voilà. Donc c'est un chanteur qui est engagé. Il parle de thèmes d'actualité. Oui. D'accord. Il a fait des belles musiques. Il est, voilà. Eh ben, c'est une belle découverte. Eh mais c'est et puis alors t'en parles très bien Darina. Mmh. On voit que tu maîtrises le sujet. Ouais. On voit que c'est ton choix. Hein. Franchement, très bon choix. Puis ouais, tu m'as surpris. Je trouve que t'es sorti, comme on pourrait dire, de ta zone de confort. C'est-à-dire que là t'as pris un rap. Ouais. Ah bah non, mais c'est très bien. Après t'écoutes bien ce que tu veux, hein, Darina. Vraiment, il y a pas de souci. Mais je trouve que ouais, alors là c'était. C'était une bonne idée de partager avec nous. C'est la manière dont t'en parles où je trouve que tu. Ce morceau. Il y avait une chanson sur le cancer, il y avait une chanson sur les femmes battues. Il y avait donc du coup c'est vraiment un chanteur engagé avec. Oui, tout à fait. Toi Nicolas, ouais, ça. Oui, oui, j'ai bien aimé. Je l'écouterai pas tous les jours, mais ça me tente. D'accord. Merci Darine. On poursuit. Run away to show your disobey. Leave it all behind. Take with you just a single photobomb. This can be combined. Photos of recipes right in front of me. Filters are not needed. Take the selfie but don't blow your lead. What's going on? Why all the anarchy? Should I self myself or protect my family? Get away from my way, I'm gonna stop. Beloved Milky Way, leaving all behind. Life is great, let's behave a little brave. Time to shake things up. There's this lot to see from ocean to sea in the world we live in. I would be glad to break all the show, playing in a role, the foundation is it's not for everyone. The end is out of sight, but I'm gonna run. De retour à l'antenne. On n'a pas encore passé le petit message. Hein. Les auditeurs, c'est comme d'ordinaire, ils peuvent appeler la radio hein, au 03 29 62 40 40 pour partager avec nous leur choix musical. Alors, je ne connaissais pas le morceau qui vient de passer. Moi non plus. C'était, comme vous dites, ambiancé, hein, s'il y avait du rythme. Quoi d'autre ? C'est anglais. C'est anglais ? Ouais, on peut dire que c'est anglais. Oui. J'ai reconnu quand même quelques petits mots. Comme par exemple traduit, détective nous. Arrêté. Alors comment ça se dit en anglais ? Détective stop. Yeah. Comment il Bah c'est tout simple. Il y a juste à reconnaître. T'as une bonne oreille. Oui. Il y a quoi d'autre, si je me rappelle bien. Ceci pourrait être combiné. This can be combined. Et il y a aussi SCP, il y a aussi, que j'ai reconnu. Et ça veut dire quoi? En fait, c'est plutôt... dans l'univers paranormal, je ne sais pas si vous connaissez, non ? Non. Non. Alors, la fondation SCP est une organisation, entre guillemets, secrète, dans laquelle où c'est qu'il y a des créateurs qui expliquent des objets anormaux ou des créatures anormales. D'accord. Et tu as compris tout ça dans la chanson ? Oui. Waouh. Oui, comment il fait ? Il y a des gros je sais pas. Je pense qu'il avait dû. Il avait peut-être dû étudier cette chanson, peut-être, Darin. Tu en dis trop, Bérangère. Bon, déjà, c'est bien que tout le monde ait vu que c'était pas l'allemand ni l'espagnol. L'allemand. L'allemand. L'allemand, c'est des mots plus longs. Plus durs aussi. Moi, je connais juste Nine, c'est tout. Ok, c'est déjà pas mal. Donc, alors, ouais, plutôt ambiancé, effectivement. Darin, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Pour moi, c'est pas mon genre musical. J'aime pas trop. Tu avais déjà entendu ? Non, j'aime pas trop. J'aime bien comme moi, j'aime bien. Mais du rap doucement ou du rap dur, du rap à tas de trucs. Ouais. Rap classique, dur, vieux, nouveau, voilà. Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bah moi, j'ai bien aimé. Ouais. Comme j'ai dit, les paroles, bah j'arrive quand même à décortiquer certains. Il y en a encore d'autres, mais j'arrive quand même. Du coup, c'est quand même pas la première fois que tu l'écoutais. Non, effectivement. Ouais, du coup, c'est toi. Donc le titre c'est One Against a Million, ça veut dire un contre un million. D'accord. L'artiste C'est Detective Void. D'accord. Detective Void. C'est un nom, c'est ça vraiment un comment le titre. One Against a Million. Yeah. Et alors, pourquoi tu as choisi ce morceau pour aujourd'hui ? Bah, parce que j'ai bien aimé en soi, parce que ça parle d'un univers que j'aime particulièrement. D'accord, c'est un univers qui t'attire. Oui. Donc tout ce qui est extra... Extra normal. Paranormal. Oui. Paranormal. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Alors, du coup, maintenant, Nicolas, on est d'accord, toutes les questions qu'on te pose seront en anglais ? Ok, are you okay? Yes. Ok, fine. Je posais plus de questions. À Nicolas qui nous a fait une belle leçon d'anglais. Là, il va être prof d'anglais, Bac plus 5. Ouais. Plus 5. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Nicolas? Non. Tout simplement une petite dédicace, si c'est possible. Oh bah, vas-y, enchaîne. Vas-y. Dédicace à Marie-Vonne. Ok, Marie-Vonne. Qui nous écoute actuellement. D'accord. Ah, bonjour Marie-Vonne. Bonjour Marie-Vonne. Alors pourquoi c'est Marie-Vonne aussi, elle aime bien la chanson là? Non. C'est. C'est tout simplement c'est une amie de ma mère qui sont quand même assez proches, donc je me suis dit pourquoi pas leur faire une petite dédicace. Super, tu as tout à fait raison. Force, hein. C'est super gentil, non, mais je me suis dit ça se trouve c'est peut-être Marie-Vonne aussi qui aime cette chanson. Ok. Alors je crois qu'on a un auditeur ou une auditrice. Salut. Au téléphone. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour, vous êtes un auditeur. Oui, exactement. Merci de nous avoir appelé. Quel morceau musical vous voulez partager avec nous? Alors, je voudrais Scorpion, Still Loving You. D'accord. Ah. Et ce choix, c'est par rapport à quoi? Eh ben, c'est simplement une petite dédicace donc à ma chérie, puisqu'elle est actuellement au travail. Moi, je suis en vacances, je profite. Et donc, pour la Saint-Valentin, voilà, je lui fais cette petite dédicace. Ah, c'est adorable, elle a vraiment de la chance. Hein. Je ne sais pas si elle écoute actuellement, mais elle a vraiment de la chance. Je ne sais pas si elle en est consciente, mais ouais, voilà, je pense que ça lui fera plaisir. Ah. Bon, en tout cas, là, si elle n'en avait pas conscience, j'espère qu'elle en a conscience maintenant. Elle a vraiment, ouais, c'est vraiment une grande chanceuse. Bah, merci d'avoir appelé. Mais je vous en prie, avec plaisir. Merci. Merci à vous. C'est mon mari. retour à l'antenne. C'était trop beau, hein, comme morceau musical. Oui. Pour la Saint-Valentin, alors là, non, oui. C'était zen, là, c'était. Après, c'était la Saint-Valentin. C'était vraiment le bon ça, choix. Ça, c'est un homme parfait pour sa femme, ça. ça y est, c'est juste un son. Hein. Merci, Darine. Je crois que Yann nous dit qu'il y a encore une auditrice. Allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous voulez nous faire partager votre show musical? Oui, exactement. Eh bien, écoutez, on vous écoute. Eh bien, alors moi, j'ai choisi la musique Nos Souvenirs des Trois Cafés Gourmands parce que je trouve qu'elle est ambiançante, ça nous rappelle l'été. Et puis, je voulais vous la faire partager. Eh bien, écoutez, merci pour votre appel. Merci beaucoup. De rien. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Toi, c'est la fille de qui, ici? Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monétaires. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est des petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillonnez s'il le faut, mais prenez soin. Je suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. De retour à l'antenne. On remercie l'auditrice, elle a vraiment fait un bon choix. Hein. Nicolas, tu voulais nous parler de ce morceau. Oui, alors donc c'est trois cafés gourmands. Oui. Je la connais beaucoup, j'ai déjà entendu. Sur Magnum la radio. Plus de 100 fois celle-là. Donc c'est que ça te plaît? Non, merci. Non, c'est pas une musique qui me plaît trop. D'accord. C'est pas que je l'aime plus ou quoi, hein, mais la musique, ça y est, on l'a entendu trop dans nos oreilles. Oui, peut-être aussi. Mais par contre, voilà, on l'avait déjà eu en plus, je crois, dans notre. Ouais, c'était Anaïs qui l'avait mis. Ouais, c'est que ce soit Anaïs. Ou Charles. Pas ce bonjour Anaïs d'ailleurs. Charlie, pardon. Et à Charlie. Oui, c'était peut-être Charlie, c'est possible. Et Kevin aussi. Alors effectivement, c'est un musique qui ambiance, comme vous dites. Hein. On a envie de sauter. Ah oui, non, elle met la patate, quoi. Quelque chose qui s'écoute l'été, on est à l'extérieur et on danse et on chante ensemble. D'ailleurs, à un moment, il parle de bulles, non, il n'y a pas une phrase où ils expliquent qu'ils font, ils boivent un coup ensemble ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment festif, quoi. Oui, c'est rassembleur, c'est un peu sur les liens de l'amitié, sur tout ça. En tout cas, merci pour ce choix. Merci. Pour l'auditrice. Allez, chante. On poursuit, Lia. Merci. Putain de merde. Oh, oh, Fradé, oh. You got it. Indépendance. Je suis fatigué mais je rappe encore. Ne me chauffez pas sinon je rappe encore. Je suis déjà arrivé en showcase en cross. Je pas la starlette, non je bombe pas le torse. Je suis fatigué mais je rappe encore. Ne me chauffez pas sinon je rappe encore. Je suis déjà arrivé en showcase en cross. Je pas la starlette, non je bombe pas le torse. Je fais tellement le signe, je peux me faire une entorse. Tous les albums, moi j'arrive en force. Chante sur net, ils viennent pas en face. Casquette en arrière, je sens le frigo boss. OCB, Zizou l'a fait le signe, assez beau. OCB, je suis en fumette. Je vends pas de cheeto, je vends des CD. Dans le game, je suis le plus critiqué. Mais c'est rien, c'est mes neveux. Ils ferment tous leur cul après quand je les choque comme Cabin 9V. Flou de la CCD, là j'écris depuis midi. La poteau, je suis en Didi. T'as pris la grosse tête, coco, ça moins vers minuti. Lunettes aux clés d'épée, au sud que des DP. Album hiver été, mais qui peut m'arrêter. Dans la feuille, on met tout. Ouvre la vitre, on étouffe. À Dal Game, on nique tout. On fait pas les mythos. Mi but, fin Ravanelli. À la Fnac, en casse bélier. Ce que j'entends, c'est pas terrible. Je sais pas ce qu'ils veulent essayer. On parle d'eau à mon poteau parce que c'est manqué. Tu connais la devise. J'ai rien demandé. C'est pas ma faute à moi si les gens ils ont toutes sortes de vices. Petit, je rêvais des Caraïbes. Et j'ai fini par faire des bagarres devant le paraïf. Que tu te fais emboucaner la tête. Tu es trop naïf. Le Santo là il est gentil. Mais n'y parle pas ivre. Sa tête fait des tentatives. Lunettes aux clés d'épée. Au sud que des TP. Album hiver été. Mais qui peut m'arrêter? Dans la feuille on met tout. Ouvre la vitre on étouffe. À Dal Game on nique tout. On fait pas les mythos. Vas-y laisse le rentrer. C'est bon c'est un gars à nous. On peut tous remonter la pente. Comme Francis Ngannou. Si on se ment à vous on se ment à nous. Moi je sais pas quand le shit il est pas mou. Que ça me jalouse comme c'est grand mort. Quand des geeks cassent à tous mes damous. Et ouais j'étais mon bébé d'amour. Mais faire du rap moi j'en ai pas marre. Faut que je perde du poids et les pommes d'amour. Faut que je mette un CZ chargé dans l'armoire. Hein. Lunettes aux clés d'épée, au sud que des TP. Album hiver été, mais qui peut m'arrêter? Dans la feuille on met tout, ouvre la vitre on étouffe. À Dal Game on nique tout, on fait pas les mythos. Lunettes aux clés d'épée, au sud que des TP. Album hiver été, mais qui peut m'arrêter? Dans la feuille on met tout, ouvre la vitre on étouffe. À Dal Game on nique tout, on fait pas les mythos. Vitron et tout. Eh oui. Merci Roxane. Retour à l'antenne, il y avait de l'ambiance là. C'était bien. C'était plus rapide que le morceau qu'avait choisi Darine. Et on discutait un peu hors antenne là. J'arrivais pas à suivre quoi. Il parle tellement vite. À part avoir retenu Zizou. Non. C'est tout. Il a dit Zizou, il a fait le signe assez beau. Après, c'est vrai. Après, j'ai bien compris, je sais. Moi, je sais dans la musique, j'écoute un tas de fois. Oui. Joule, 24/24. Lui, il fait hommage des joueurs de l'OM. Là, il y a plusieurs joueurs de l'OM. Il y a 5 joueurs de l'OM. Il dit qui? Il dit Ravanelli. Ravanelli, exemple. Qui était là il y a 20 ans. Oui, voilà. Zizou. Après Zizou, il a jamais joué, dommage. Oui, mais il est marseillais. Oui, voilà. Il sort de Marseille. Et après, c'est un bon rappeur. Ah, il a dit Karim Benzema. Ah, donc là, c'était Joule qu'on a écouté. Ouais. D'accord. En fait, j'ai une anecdote. Oui. Genre, en gros, à la base, moi et Darine, on avait choisi la même musique. Et du coup, quand il m'a dit, j'ai dû obligé de changer. À la base, on voulait prendre une reprise, enfin, un remix de Joule sur du Michael Jackson. D'accord, donc t'as dû changer ton choix. Bah, on a dû. Moi aussi. Hé, hey, les garçons, vous avez fait ça sérieusement, en tout cas. Ouais. On voulait prendre le. Alors, Yann, du coup, on en déduit que c'est ton morceau, donc pourquoi Joule? parce que c'est un rappeur. Oui. En fait, je l'ai pris celui-là parce que quand j'ai vu la vidéo sur le Planet Rap, c'était ça pétait tous les côtés. Donc la vidéo. Oui. Mais c'est pas, y a pas de clip, il y a juste en audio officiel sur Spotify. D'accord. Voilà, c'est tout. Et du shoot. Ouais, voilà. Du coup, alors c'est quoi? C'est comme vous disiez, c'est quoi, hommage à l'OM. Hommage à l'OM. Hommage des Marseillais. Le titre, j'ai dû l'épeler. Moi, c'était trop compliqué à lui dire. Le titre, c'est Agio Capitou. Et moi, je suis supporter du PSG. J'aime bien Joule. Voilà. C'est tant pis. J'aime bien Paris. Ah bah c'est pas incompatible. Hein. Joule, c'est mieux. T'as un peu. Ouais, en tout cas, Jules qui avait été un peu. Qui a fait un partenariat avec l'OM. Oui, puis qui était footballeur un peu aussi avant. Oui, avec les petits de l'OM. Mm. Il a fait un match, non, je crois, de gala un peu. Je crois. Mm. Oui, il a fait un match amical. Et il est parti à. Il est parti donner le coup d'envoi face à Lorient là, il y a quelques semaines. En claquette, oui. En claquette. Bon, ouais, donc Jules, bah, je crois que ça fait là peut-être quatrième émission où tu nous mets du Jules, non? Ouais. Là, je vais plus changer. Ah, si, là, on va te mettre. Il y aura une contrainte pour la prochaine émission. Ouais. Attends, on comprend que tu sois fan, mais il faut quand même. On va t'organiser, gros. Non, mais là, on parle. On te dit, voilà, c'est aussi un jeu, cette émission, et du coup, c'est de changer aussi quand même de registre. Après, le problème, c'est que vous nous dites ce que vous aimez. J'aime Jules. Ouais, on te rajoute une contrainte. Ce que tu aimes, mais il faut que tu trouves d'autres choses. Oh, je vais mettre du Ziak. Comme tu voudras, il n'y a pas de soucis. Mais plus du Jules. Le problème, c'est que Ziak, c'est. Oh, c'est énervé. C'est rapide. Ah, c'est pas ça, c'est qu'il y a des insultes. Alors, on en parlera à un autre moment. Voilà. En tout cas, voilà, moi je pense que c'est une contrainte. On n'a pas parlé avec Bérangère avant, mais je pense que voilà, on s'était dit quand même 4 émissions de suite. Si c'est pas 5, ça commence à faire. C'est pas 6, hein. Bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'était. Oui, le début était vraiment sympa aussi comme rythme. Moi j'ai mis la musique là parce qu'elle a ambiancé. En fait, j'étais dans la rue, je l'écoutais, je me dis, oh, fallait que j'appelle la radio. Bam. Nickel. Ah, c'est bien là-dessus. À la base, je voulais mettre Piqué Pical que les drames, mais on n'est pas en été. Du coup, en été, bon, on va mettre ça. Hein. Pourquoi ça dépend de la saison? Bah, Piqué Pical que les drames, ça fait bien penser à l'été. Ah oui. Mais je pense qu'il y a aussi le feat avec le rap turc. D'accord. Ah, Yann qui a fait la meilleure pub vosgienne pour eux, Jules. Hein, Après, parce que dans 2 semaines, il y a l'album gratuit. Donc là, cette réactualisation. Nicolas. Comme Bérangère, j'ai rien compris aux paroles. Ah, moi j'ai tout compris. Juste quelques petits mots, mais pas grand chose. C'était vraiment plus rapide que notre artiste belge, hein, on va dire ça. Mm-hmm. Oui. Ok. Alors avant de finir l'émission, voilà, il y avait Yann qui avait envie de prendre l'antenne. Et ouais. Donc on va lui laisser cette opportunité. Et ben écoute, on va t'écouter. Je vais lâcher un son. Hein. Attends, j'ai pas le texte. Mais attends, je peux lui dire de relancer? J'ai pas le texte encore. Alors bon, on est à l'antenne. C'est bon. Alors ça y est, tout le monde est prêt? Ouais. Et touche pas au micro. Allez, on y va. Tu viens faire le bandit, toi tu portes juste un bandeau. Moi j'ai fait dis-toi kendo, toi t'es juste un mécano. Fais pas l'americano, non mais Ericano. Pourquoi Ericano? Comme Joule arrivé en décembre. Moi j'aime bien les descendre, quand je fume y'a des cendres. Gros ça fait des fêtes d'hiver, t'es dans l'entreprise d'hiver. Ça joue à des jeux d'hiver, tu joues à des jeux d'hiver. Toi tu viens tête de pimer, ça me fait voir les seins nus. Je te jure j'appelle le Samu, ah ouais ça me tue. Moi je suis là samedi, viens on y va samedi. Je te demande si ça te dit. Faire des soirées arrosées, j'aime les soirées arrosées. Moi je pense à arroser, lui à boire du rosé. Toi tu fais le Superman, au fond ça fait super mal. Dans mon cœur ça fait bobo, il me lâche pour du mambo. Moi j'aime bien quand tu sens bon, merci maintenant je me sens bien. Ou quand je fume 2-3 sticks, ou quand je lui pars sur Snap. Elle envoie des snaps tout rouges, bah, c'est moi qui deviens tout rouge. J'aimerais juste te faire un câlin, je vais en câlin. On entend les mères crier, vas-y nique les mères crier. T'es caché, papa agir, j'ai mangé, t'as rangé, arrangé, orangé. Maillot danger, faillot danger, frappe de danger. M'arrêter, j'ai pas songé, le rap je vais le ranger. on tire danger, faire la passe à ranger, ils viennent nous piéger. Je dis j'ai miqué, j'ai niqué, j'ai kické, j'ai kické, j'ai miqué, j'ai niqué, j'ai kické, j'ai kické. Il me dit c'est lui qui l'a quitté, alors c'est lui qui l'a trompé. Frérot tu sais, la vérité sort de la bouche des enfants. Toi tu viens avec tes vieilles bagues enfantines, tu viens faire le chinois. Vas-y viens pas chez moi. Tu voulais faire le chinois, tu regardes des anomies. Tu viens, tu voulais faire des anonymes. Il fait le mec comme King Jong-Fu. Toi t'es là, non, viens pas sale fou. Toi tu viens nous faire une Parkinson. Moi j'écris la nuit dans un Parkinson. Lui il vient, il joue au ballon. Il se croit dans Pokémon à lancer des ballons. Moi je t'ai vu, je suis tes bons. Moi je t'ai vu, moi je sais que tu es un bon. Moi je sais, moi je marche sur du béton. Moi je pourrais vous régaler, ouais. Même depuis la lune, peu importe la condition. Ouais c'est moi qui me régale. Je commencerai en France, j'irai même aux US. Désolé madame. Moi je veux pas de bisous, plein de projets dans le visu. Pas besoin de la visa, moi sur Call of je visais. Elle dit envoie son bisou, moi je suis là. J'arrête pas d'écrire, ma vie j'essaie de décrire. Il me dit si t'as une note, ça te pèse tes objectifs. Mais moi je lui fais confiance, mes projets du visu. Moi j'essaie, ils prendront vite, moi je suis sur tes coups. Frérot moi je te baisse tes coups, merci ma team. J'aurais pu finir à le cas, dans la rue je fais des bêtises. Joue plus souvent à la play, je pense à lâcher le foot. Je pense à lâcher le lycée, mais des potes avec du petit. On partageait les pizzas devant les matchs de l'OM. Je faut que je pense à faire du sport, mais c'est dur ouais sans McDo. Toi tu fais le boycott et des gadgets, mais elle demande ton numéro. Ouais toi t'es là ta Zumba, maintenant tu danses à Zumba. Au nouvel an, tu dansais la macumba. Dans le roi Léon, t'es pas Simba. Toi, tu ressembles à Pumba. Toi et moi, on fait un combat. On me demande si je m'en bats. Y'en a, ils sauvent trop leur bec. Viens, on va prendre un petit coup. Pas besoin d'avoir 10K. Ouais, moi, je sais, tu veux le Mac. Tiens, les dans la molle. Tu sais même pas faire une lamelle. T'inquiète, y'a les petits. Ils peuvent bien te la mettre. Ils cherchent une femelle. Ils vont changer des routes. Juste dehors, passer par des déroutes. Merci, bon Dieu. Séparer toutes les mauvaises routes. Moi, bien sûr, moi, je crois sûr, bien en Dieu. Avec des proches, j'ai dû dire adieu. Ah ouais, c'est triste, toi, de perdre un proche. Ça y est, j'ai plus rien dans la poche. Moi, j'arrive, toi, t'es là, tu coches. Moi, j'arrive avec ta sacoche. Tu viens en Lacoste et N, et moi, j'étais bien. Maman j'aime, j'aimerais pas qu'elle parte. Dédicace à toi papa. Moi je sais tu m'écoutes d'en haut. Moi je voudrais pas décevoir, je ne vous décevrai pas. Merci ma team, c'est grâce à vous que j'en suis là. Maintenant je vais assumer, moi je vous lâcherai pas. Y'a des gens qui rabaissent des autres gens. Ah ouais c'est ça qui me saoule. Quand je bois des fois, c'est moi qui perds la boule. Toi tu me fais mal, mais je m'en bats les couilles. Force à ceux qui ont des handicaps. Moi je fume 10 clopes, tu t'entraînes au Robocop. Moi je suis tranquille à la porte, moi 30 ans je resterai là. Y'a mon cerveau qui craque. Quand je suis sur le BM, moi j'arrive, je mets pas le casque. Et ouais y'a des jaloux. Il mérite des claques, il fait des dessins en calque. En été, on sera présent sur les terrasses. T'es en jardin, tu terrasses. Dans l'audi, moi je dérape. Ah ouais, j'en ai fait des raps. Moi je parle souvent sur WhatsApp. Tu connais Yale Watson, tu connais Emma Watson. Je suis comme Alex Ferguson. Moi je dribble comme Gerson. Ah j'ai comme Hugminson. Toi tu cours si vite que quand y'a les civils. Moi je reste vigile, défense comme Virgil. J'ai le maillot de Manchester. Ils font les camps pour tester. Attends, je réanime mon pote. Attends, je réallume mon pet. Faut recevoir l'amour, c'est pas l'amour qui va te recevoir. Avec ma gueule, dis-moi des clics. J'ai pas besoin de marque de luxe, des fois c'est moi qui me fais des films. Y'en a qui travaillent le soir, que quand ça caille. Force à ceux, à tous ceux qui ravitaillent. Comme dans les animés, ça fait les retrouvailles. On me dit, t'as un grand cœur blanc. J'ai perdu tout deux potes, pour que j'en perde un encore. Ça sert des potes s'embrouiller, les cœurs ils se cassent. Un peu comme l'équipe 4, heureusement j'ai déménagé. Maintenant je me sens mieux, moi je suis délégué. Mais ça changera pas ma vie, l'OM n'est pas relégué. Nous la police, nous les vidons, évite les vidanges. Et crois j'ai une évidence, j'ai un vrai compte. En veillant, quand je vois pas l'intérêt. Moi je kiffe, pas besoin d'internet. Tu veux passer sur Ardisson. J'aurais peut-être l'art du son. Toi t'es un cutéreux, je coupe au cutéreux. Moi je fume, je suis distant. Peut-être je dirais fiston. Toi et moi, ouais, nous pistons. Maman, je t'aime, ne l'oublie pas. Mais pas toi, gros sexe. Ouais, y'en a qui flex. Moi j'aime fumer des pétous, surtout en été. On me dit, tu vas tout péter. Y'en a, c'est des gros pédés. Nique les critiques, nique les jaloux. Moi je trace ma route. Y'a soin des putes. Moi je veux un tourcoing, emmenez-moi au Japon. Ça donne des coups dans le dos, mais petit comme un goudon. Dans le cœur, j'ai des couteaux. Vas-y, nique les poutons. À cette fille qui regarde son cul. J'ai des mistonneuses, oui y'en a beaucoup. J'annonce quand y'a un gros coup. J'ai les proches dans le club en dame. Personne ne croit aux fantômes. Tu m'aimes, t'as une bonne âme. Toi t'es bien, t'es un bonhomme. Moi j'ai déjà pris la tête. mais je sais plus quand c'est. Ça fait depuis longtemps, j'ai pas recommencé. Force à ceux qui ont le cancer, j'ai quitté. Ma chérie, personne va toucher tout. En plus, elle a fait les mèches et tout. C'est les frais, c'est tout. La rue m'a appris quoi? Elle me dit, tu te fais niquer ta mère et puis c'est tout. Fais pas la trisomique, fais pas la trisomique. Moi je fais signe comme Arès, tu veux la coupe à ma S. Moi je descendrai sur Mars, si ça vous fait plaisir. Un mec comme moi qui veut 10 folles, un fumeur veut 10 paquets. Et un bon il veut 10 potes, et un bon il me le dit pas. Quand j'étais petit, je faisais des brasses dans la piscine. Toi tu viens comme King Jong Fu. Moi je suis là, moi je fais du pandou. Moi je traîne ma team et te casse ta gueule. J'apprends des choses tous les jours je me pose les mêmes questions. Comme pourquoi l'amour est cruel. Au début elle te donne un sourire, à la fin elle te donne un couteau. Et encore il y a des filles, et te dit j'ai pas tout dit. Et il y en a beaucoup, elle te quitte pour rien. Toi tu viens, tu veux faire une pause café. Interview sur pause café, moi je suis posé. Oh y'a des choses atroces. Toi t'es là, arrête d'insulter t'es grosse. Moto de week-end et moi je fais du cross. Moi je couperai tous les ponts, j'ai fait le trajet jusqu'à Amsterdam. Toi t'es là, tu me fais Superman dans la caisse à Batman. En immersion et merci la zone. Y'en a trop, ils se vantent, y'en a trop, ils se la pètent. Leur gueule, moi je leur pète. Je rigole pas comme King Jong-un. Ils ont les dents couleur Homer Simpson. Si ça marche pas, fais un travail à côté. Y'a mes potes, ils me lâchent. Y'en a, ils me disent, ça va mieux se passer. Mais y'en a, ils sont cassés. Oh là. Vous venez d'écouter à l'antenne Yann Dezen, nouvel artiste vosgien en devenir. Magnifique, Yann. Alors, c'est vraiment une grosse, comme on dit, quand les artistes, là, ils prestations. C'est énorme parce que... C'est vrai que dedans, il y a une dédicace à Jules au début. Une dédicace à qui? À Jules, quand j'ai dit, comme Jules arrivait en décembre. Ah, je pensais que c'était une dédicace pour quelqu'un d'autre, moi. Non, je pense qu'il y a plusieurs parties dédicaces. Après, il y a aussi une dédicace à papa, qui m'écoute d'en haut, et à ma mère, et à Leclerc, à tout. C'était énorme quand on... Alors, les auditeurs peuvent pas voir ce que nous, on a vu, hein, mais t'étais hyper concentré, t'étais à fond dans tes paroles, parce que c'est quand même un texte qui est très long, quand même. À la base, normalement, il était censé me rester du texte, mais l'instru, elle a coupé, du coup, quoi. Ouais, non, mais c'était super complet. C'est super dur comme exercice parce que on se rend pas compte comme ça. T'avais... Alors, moi, au début, je me suis dit, ah, purée, il avait même pas son texte. Il dit, ah, bah, je l'avais pas. Mais en fait, il fait qu'il le cherche sur le téléphone. Ah, oui. Donc, on voit que c'est vraiment fait comme sur Skyrock. Mais il y a, je veux dire, moi, tu m'as vraiment bluffé et avec des jeux de mots qui étaient magnifiques. Après, c'est vrai que jeux de mots. Ardisson, art du son, je trouvais ça génial. Après, j'ai écrit un autre son, mais qui n'est pas là. Genre, j'ai écrit sur un petit qui sur un petit et une mère qui est en galère. Genre qui arrive pas à payer le loyer. Donc ça c'est toute ta création. Ouais. Bah je m'inspire un peu de Jules quand même. Ah ouais non mais c'est tes paroles à toi. Alors que tu t'inspires de, tu sais Renaud s'inspirait de Brassens et ça c'est pas le souci. Par contre moi tu m'as vraiment bluffé Yann parce qu'à chaque fois tu me dis que t'écris mais tu m'as dit non je te montre pas pour l'instant. Ok c'est ton choix et là tu m'as vraiment, moi tu m'as mis les frissons que les jeux de mots étaient bons. C'était tout ressenti. On sent, il y a de tout, il y a beaucoup de toi dedans. Et non, vraiment, bravo. C'était énorme. Et la langue française, tu as des jeux de mots mais qui sont riches, ardisson, art du son. Après, c'est vrai qu'il y avait quelques, il y a une insulte, j'ai évité de la dire. Genre, quelques-unes, c'est pas grave. On n'est pas là. Voilà, c'est le but, c'est pas que vous disiez. C'était marqué nique ta mère tête de pivert. J'ai changé le nique ta mère. J'ai dit tête de pivert. Ouais, c'est bien. Oui, mais voilà, mais encore une fois, déjà, moi je les ai même pas trop entendus, les insultes, et puis c'est surtout le fond du texte qui était beau. On sent qu'il y a beaucoup de toi dedans. Ça t'a pris combien de temps pour écrire ce texte? Des semaines? Comment ça se passe? J'ai beaucoup travaillé hier. Ah bah oui, il y a beaucoup de travail. Hier, je sais que j'ai gagné 4 minutes. Au début, c'était à 2 minutes. Donc, en vrai, on a à peu près. Quelques heures, parce qu'après, après je suis parti au foot, il y a eu les pompiers et tout le tralala, et du coup après ouais je suis rentré, on a fait ça et voilà le résultat. Après normalement c'est pas fini, il reste encore 2 minutes à faire, mais 2 autres minutes, il me reste encore à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Ah oui, tu fais des morceaux qui sont très longs toi. Non bah là c'est un freestyle, c'est normal. Sinon là avec le petit et sa mère, j'ai seulement écrit le premier truc. Alors du coup, les autres, est-ce que juste du coup la prochaine fois qu'on fait notre émission, du coup effectivement, on va plus passer du Jul, on va passer du Yann De Zen, quoi. Ah bah, après la vérité. Ah bah, alors là. Moi, que je sorte le freestyle ce soir, mais ça va être compliqué. Ah oui, hein. Les garçons, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Yann De Zen? Allez, va me sortir tout mon passé. Nicole, il a fait des progrès depuis 2 ans, il fait des progrès dans le rap. Je l'encourage tout le temps. J'espère qu'il va être un futur rappeur, comme son idole. Hein. Le J. Voilà, le J. Hein. Depuis tout petit, dans sa passion. Il a fait 20 rap en 2 semaines, une fois, il était nickel. Ah oui. Il fait des bons progrès. Avant, il articulait pas trop. Maintenant, il articule très bien. Et je le continue, je le félicite. Hein. Et tu vas être comme un J. Hein. Ah, j'espère. Ouais, vraiment. Ah ouais. C'est très beau ce qu'il dit. Quand Darin il était en train de parler, je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Ah. Nicolas, tu voulais compléter peut-être? Je trouvais que quand même, c'est pas mal. Ah oui, hein. Alors, sachant que, voilà, Nicolas, toi, c'est pas ton truc, le rap. Donc, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui. Voilà. Attendez. Alors, attends, Yann, justement, écoute ce que quelqu'un peut dire de. Je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal. Est-ce que. Le texte, par exemple, qu'est-ce que t'en as pensé? Je trouve que c'était bien. Je trouve que c'était bien. En plus, c'est vrai que la façon dont il s'exprimait, on comprenait quand même les enchaînements entre. Et puis les phrases, les mots, c'était quand même audible, quoi. Oui. Donc, Alors, vu quand même que c'est une création, moi je demanderais bien aussi l'avis de RGM. Radio Gamozo, qui n'ont pas de micro, pardon. Il y a eu un jeu de mots que personne n'a remarqué, genre en mode j'ai mis c'est quitté, mais en mode T avec T apostrophe EST, et c'est quitté en mode quitté. Alors, Lia, je ne suis pas la rappeuse de la team, mais il est un petit peu plus loin, là, notre rappeur, donc je vais donner mon avis. Déjà, j'ai trouvé que c'était une sacrée performance. Déjà, bravo pour le souffle, hein, parce que pour tenir aussi longtemps, il faut quand même beaucoup de souffle. C'est vrai qu'on comprend bien ce que tu dis. J'ai trouvé que les mots étaient intéressants. Tu as fait pas mal de jeux de mots, comme vous l'avez dit, là, autour de la table. Tu étais bien dans la rythmique, et ça, c'est important. Et continue, hein, si c'est ta passion, de toute façon, il faut faire des choses qui nous plaisent. On va pas la mettre dans tous les cas, même dans le son, je le dis. J'ai dit, maintenant, je vais assumer, je lâcherai pas. Merci, Lia. Et puis, c'est important aussi, Yann, comme on a pu te le dire, c'est effectivement que tu fasses ce que tu as envie et que c'est un super bon exutoire. Un exutoire, c'est-à-dire c'est quelque chose où tu peux mettre sur papier ce que toi tu es, sans penser forcément être rappeur. C'est pas forcément le but. Le but, c'est que toi, ça te fasse du bien. Que tu le fasses écouter comme là, que tu le partages. C'est du lâcher prise. Ouais, c'est du lâcher prise. Comme ça vient, tu écris. Après. Certains vont faire du sport, d'autres vont faire du théâtre, d'autres. C'est le rap. Dans mon son, j'ai dit. Je sais plus, attends. Mais ce soir, je dois sortir un son spécial Saint-Valentin, mais le problème, c'est que j'ai pas commencé à écrire. Ah. D'accord. Par contre, on va peut-être laisser. Parce que là, on a fait On va terminer notre émission qui était vraiment très riche aujourd'hui. Ah oui, j'ai mis moi, je suis là, j'arrêterai pas d'écrire et ma vie, j'essaie de décrire. Ouais, super, Yann. Moi, je laisserai bien le mot de la fin peut-être à Darin parce que c'est Nicolas qui est ouvert. Là, on a laissé beaucoup la parole à Yann. Merci tout le monde. Merci tout le monde et plus sur la radio Gamozo, plus nous. Nous tous. Bah oui, on se remercie. Hein. Voilà. On se congratule. Voilà. Et merci pour le rap. Voilà, à la fin. Bonne journée à vous et grosse force à vous. Grande force à vous et bon cœur. Hein. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Merci, à bientôt. Sur ma route, oui, il y a eu.